La cave. Épisode 10. Doom et Jake. Man, je pense qu'on vient de faire comme les geekettes, aussi. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout le temps comme yeah, on vient de faire starter l'épisode. Bon, puis... on fait toujours des yeah, yeah, yeah, quand ouais. On baisse dans. Ouais. Imagine que il se passe un crossover avec ce Monday. Hein? Ça serait-tu fucké? Ça serait-tu fou? Hey, Doom! Hey, salut! Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait un épisode, man? Longtemps. On n'est pas régulier. Non, je pense que ça fait plus qu'un mois. Ouais, plus que ça. Mais on a une bonne raison qu'on va vous expliquer en fin d'épisode. Parce qu'on travaille sur un projet ultra cool. Ultra cool. Je pensais que t'allais dire ultra sacré, je te dis c'est pas secret avec ça. Non. En fait, même ça se peut que ça soit sorti. Non? Avant l'épisode, tu vas sortir l'épisode avant? Ben oui, parce qu'il faut que les gens... C'est pour faire de la promo. Okay. C'est bon. C'est le sens du marketing. Ouais. T'as pas le sens du timing. Non. Okay. Moi, le timing. Épisode 10. Level up. Mais, man. Ouais. Level up. Parce que c'est vrai, c'est clair. Fais-tu... Notre high five, c'est quoi ce high five de merde, là? T'as fait un... Ah, tu voulais faire ça? Non, juste demain. C'est bizarre comme high five. Ouais. C'est 10. Pour les gens qui l'ont pas vu, on a fait comme un high five, mais de côté. Fait que ça devrait être ça, notre nouvelle poignée de main. Fait quoi, épisode 10, on essaie de quoi de nouveau cette semaine? Cette semaine, ben oui. Parce qu'on sort un podcast par semaine, évidemment. Donc, on peut se dire que s'il n'y a pas une autre émission qui a déjà couvert ce sujet-là, fait qu'on a une exclusivité, parce qu'on va vous parler de nous, de notre processus, parce qu'on fait de la BD, en plus de faire une émission qui est irrégulière. Ben oui. Fait que de retourner au passé, comment on a commencé, comment on travaille, vous passer en revue un peu nos publications, et... En fin d'émission, en toute exclusivité, vous parlez de notre projet futur qui va être lancé et disponible à cette édition de l'année 2014 de la Foire Exposine. Puis en plus, ça fit parce que là, t'as dit quoi? Puis t'as dit genre, on va nous parler de passé. Puis là, ton slogan d'habitude, c'est tout le temps genre, un regard vers le passé pour nous aider vers l'avenir. Puis c'est vrai ça, là. Ouais. Fait que ça fit, là, dans notre thématique. Oui. Avant toute chose, comment m'as-tu connu, toi, Jake? Ah, Doom, c'est vrai ça que j'allais dire, man. T'as tellement bien vieilli, man, avec les années. T'es tellement plus beau, man. Car quand je t'ai connu, man... le pire, c'est que t'as exactement la même face. Moi, j'ai changé de face. J'ai plus la même face. C'est fucked up. Hier, on écoutait Simon puis moi, Simon Chénier, des Mystérieux Étonnants. Salut. La première entrevue qu'on a faite au Mystérieux Étonnant, ça fait 5 ans. Okay? Que l'entrevue vidéo avec moi et toi? Ouais, pour Holy Right. Ça fait 5 ans de ça. Wow. Et on dirait que c'est une autre personne. Ouais. Ma voix est différente. Ma face est différente. J'avais des lunettes croches. Toi, t'es identique, man. T'es pareil. T'as rien changé, man. Puis on dirait que c'est le temps ne t'affecte pas. Plus tu vieillis, plus t'es pareil. sauf que tu vieillis bien dans le sens de... Parce que là, ce que je voulais dire, c'était physiquement, tu changes pas, tu sais. Ouais. Mais t'as bien vieilli dans le sens de d'intérieur. Tu es à l'intérieur. Okay. Parce que quand j'étais connu, tu avais un surnom et c'était chapeau melon et bottes de cuir. Okay. C'était... Regarde, pour le monde, je peux te décrire? Si vous mettez la main sur un exemplaire du front, du tome 2 du collectif Le Front, t'as fait une histoire là-dedans que, dans le fond, tu projettes un peu tes amis du temps dans un univers assez éclaté. Ouais. Et moi, c'est ça, c'était une barre avec un chapeau melon. Ouais. Doom, tu étais un gothique aux cheveux longs, très longs d'ailleurs, et raide, noir, tel un vampire, avec un chapeau melon et une belle moustache molle. Et tu te promenais souvent, genre, avec un parapluie, genre. Ou, tu sais, on aurait dit que c'était... En tout cas. OK, j'étais prévoyant. Moi, bizarrement, je me rappelle la première fois, man, c'est fucked up. On était dans un parc, ben, tu sais, au collège, dans le fond. Ouais, première fois du parapluie, pas la première fois qu'on se voyait. Moi, la première fois que je t'ai vu, puis tu t'es peut-être pas rappelé de moi, c'est tu te jamais dans la maison de tes parents, puis t'avais les cheveux roses. Eh hey boy! Fait que c'est ça. Ouais, ça fait vraiment longtemps. Ah, mec, c'est malade. OK. Hey, mec, j'en ai des frissons. Mais je me rappelle qu'on avait jasé, puis finalement, je me rappelle pas du sujet, comment que ça a embarqué, mais on a parlé, je pense, d'anime japonais. Oui. Puis là, j'ai fait « Oh my God ». Puis les Evangelion, à cette époque-là, ils étaient même pas sortis au complet. Non. Ils sortaient à chaque mois. Et je pense qu'on était rendu à l'épisode 5. C'est ça. Toi, PG, aviez déjà commencé, puis après ça, moi, je les ai écoutés après vous. Puis je me rappelle qu'on avait parlé de ça, puis moi, j'ai vu une petite lueur en toi. Tel Luke Skywalker qui regarde Dark Vader, qui dit « I feel good inside of you ». Ah non, my God, ça sonnait mal, ça. « I feel good inside of you ». I have a good feeling about you. C'est ça, I can feel the good inside of you et non pas okay, I feel non, good inside non, of you. Tu peux juste arrêter. Ça, c'est malade. C'est malade. Je voyais le bon en toi et heureusement, je me suis pas trompé, mais pendant des années, j'ai douté hein, parce que je me disais pourquoi c'est mon ami, ça n'a même pas rapport. Okay. Mais pour. Attends, on en vient bientôt à notre création. Mais je voyais quelque chose de... je voyais un poète. Je voyais un créateur. Okay. Et Chris, c'est fucked up que presque 20 ans plus tard, 17 ans plus tard, on est encore en train de créer. Puis moi, t'es toujours pas poète. Non, mais t'es de loin mon collaborateur préféré et celui avec qui j'ai une plus grande chimie. T'sais, nous deux, c'est fucked up. Là. Comme je dis souvent, on drift. Là. Si on serait dans Pacific Rim, là, le robot, on le rend à leur net. Oui. C'est pas seulement qu'un contrat professionnel, que tu te fais soumettre un script et puis il n'y a plus aucune interaction avec ton scénariste. Là. Je pense que le fait qu'on soit des amis, ça bonifie nos projets de BD. Puis pas juste ça, c'est qu'on a tellement... essayer de méthodes différentes pour le travail, que là, je pense qu'on a trouvé la bonne, puis c'est celle de nos deux derniers fanzines. Ouais. Et tes scripts sont tellement détaillés, parce que tu me connais assez bien pour savoir qu'est-ce que j'ai de besoin, puis qu'est-ce que j'ai pas de besoin. Ouais. Fait que tu vas jamais mettre des détails genre aux places où moi je fais comme, non, ça, laisse-moi m'occuper de ça. Ouais. Mais tu vas tout le temps me donner des cues juste pour me starter. Fait que autant quand on parle de plan, de caméra ou de plan de vue que de design de t-shirt ou de design de véhicule ou de etc. Jusque même les Google Maps Street View. Là. Oui. Enfin, ça se passe dans une maison de même puis tu vas m'envoyer ça. Fait que moi, quand je lis le script, je le vois déjà se faire dans ma tête avant de le dessiner. Là, puis ça, t'es le seul avec qui ça marche aussi bien. Là, fait que je regrette pas de m'être tenu avec toi, chapeau, melon, botte de gueule. Moi, mon souvenir, c'est qu'après après ce petit moment-là où on a eu notre premier échange, notre premier contact, je pense que toi, t'as habité seul pendant un petit moment dans un petit 1,5 comme un être indépendant que tu es. Ouais. Moi, je suis parti chez mes parents à 16 ans. Fait que c'est ça, c'était assez tout pogner ensemble comme environnement de vie. Ouais. Mais c'est ça, t'avais plein de wizards, puis de comic books, puis des sketchbooks, puis tu sketchais beaucoup, surtout dans les parties, puis tout ça. Puis moi, juste de voir ça, ça m'inspirait. Fait que, c'est vrai, je dessinais tout le temps. Ouais, fait que c'est pas mal une partie de là. Puis nos intérêts pour l'anime, les jeux vidéo, puis commencer à se connaître comme ça. Là. C'est ça. Ouais. Puis je me rappelle, c'est ça, il y avait une période que ça a pas pris tant de temps que ça, dans le fond. J'ai l'impression que c'était même pas un an, mais que là, j'allais chez vous. Ouais. Soit on gamait, soit on écoutait un animé, soit on écoutait un film. Des fois, c'était à l'inverse, tu venais chez nous. Mais ça a pas pris beaucoup de temps avant que je te propose qu'on fasse une BD ensemble. Ouais. Parce que moi, je m'étais lancé, puis c'est drôle parce que je suis encore exactement comme ça aujourd'hui. Je m'étais lancé genre 10 projets en même temps. Ouais. Puis je voulais, j'avais choisi certains amis avec qui je voulais travailler. Okay. Parce que je voulais me sortir de ma zone de confort. Fait qu'il y avait une BD que j'écrivais seul. Plus qu'une. T'en avais sûrement plein. Il y en avait deux, en fait. Il y avait deux BD que j'écrivais seul. Après ça, il y en avait une que J écrivait, il y en avait une que Jean-Ni écrivait, il y en avait une que toi t'écrivais. Okay. Et c'est drôle parce que, encore aujourd'hui, j'ai des projets c'est très similaires, pas dans le sens du contenu, mais dans le sens de la dynamique, puis tout. Tu sais, comme je veux travailler avec plein de monde en même temps, puis faire plein d'histoires différentes. Pis, fait que tu sais, ça, c'est jamais parti dans le fond. Là, c'est ça. C'est ça. Mais finalement, tes projets avec J et Jean-Ni, ça. Ça a plus ou moins abouti, comme nous, ça aboutit. Exact, exact. Ouais. On n'a jamais refait des trucs ensemble après, parce que de un G, je pense qu'il était moins sérieux là-dedans, puis Jean-Ni, c'est vraiment plus concentré dans d'autres choses, plus dans l'écriture que de la BD. Le souvenir que j'ai, moi, avant le premier projet qu'on va parler dans quelques instants, c'est on était beaucoup... On a beaucoup joué à Tekken. Oui. Puis peut-être même un peu trop. Ouais. Fait que dans le temps, on était rendu au 3. Ouais. Puis je pense dans le 2 ou le 3, t'as l'introduction du personnage de Devil Jin. Oui. Donc le personnage de Jin qui se fait posséder et qui va du côté obscur. Ouais. Puis je pense que la première chose que je t'avais proposé, c'est de faire une BD de Tekken. Wow! Puis une des twists que j'avais, c'est que je voulais que. Tekken, que Jin, pardon, vire en Devil Jin, pis qu'il viole Shao Yu. Oh my god, je me rappelle de tout ça. Mais c'est bien, je suis content de pas l'avoir fait. Oui, oui, mais moi, tu savais que je pense que ton inspiration vient du fait que peut-être J t'avait parlé de ça, mais moi, j'ai fait une BD de Killer Instinct. Ouais, que j'ai jamais vu, qui est très mythique. Et que je n'ai plus, je pense que quelqu'un l'a jeté, ou je l'ai prêté à quelqu'un qui s'est poussé avec, ou je l'ai jeté moi-même, mais ça, je m'en rappellerai. Ouais, parce que c'est surprenant, parce que on est dans la cave à Jake. Ouais. Juste derrière moi, t'as deux bonnes étagères avec plein de carnets, de sketchbooks, de gros livres, puis toi, tu gardes pratiquement tout. Là. Ouais. Mais si tu comptes jusqu'à aujourd'hui, tu sais, j'ai comme une bibliothèque complète. Là. Ouais. C'est juste que c'est éparpillé un peu partout. Ouais. Mais j'en ai en tabarnak de sketchbooks. Et celui-là, c'était un petit sketchbook complet, fait que c'était une BD de presque 200 pages. Wow! OK, je pense que c'est... Évidemment, c'était plus à la Dragon Ball, fait qu'il y avait une case 2 par page. OK. Mais ça, t'as improvisé, j'imagine. Mais... Ouais, c'était complètement improvisé. Ça a été fait très rapidement, le PS. C'était en quelques semaines. Mais c'était une BD pornographique. Avec un seul personnage féminin? Non, man, c'était Killer Instinct 2. Ah, OK. Fait qu'il y avait trois filles. Ouais, il y avait Orchid, il y avait l'espèce de chinoise russe, que je me rappelle pas de son nom, et il y avait la Jungle Queen. Ouais, Maya, je pense. Ouais, je pense que c'est vrai de ça. Et tous les combats, évidemment, contre l'espèce de Maya, elle se battait contre Full Gore. OK. Ça, c'est le cyborg, right? Oui, oui. Et il envoyait un rayon chauffant, donc il fallait qu'elle déchire son costume parce qu'il était en feu. OK. Et évidemment, là, il pleuvait, puis là, genre, tu sais, j'ai fait deux BD porno de même. Pis tu sais, fourré, là, ça avait pas rapport, ça avait crissement pas rapport. Pis j'en ai fait un autre aussi, que ça c'était mes personnages à moi. Là, on parle de. Okay, t'sais, d'hormones là, dans le piton, mon gars. Là. En même temps, je trouve ça, tu sais, genre, t'sais, c'est ridicule, on s'entend que c'est fucking drôle. Sauf qu'en même temps, c'est comme, c'est tellement. Avec le recul, je fais comme, c'est donc ben hot que t'aies pris. Comme toute ta tension sexuelle, mais que t'as fait de quoi de créatif avec ça. À la place de juste me branler, faut pas oublier qu'à l'époque, l'Internet était pas comme aujourd'hui. Fait que tu voulais écouter une vidéo de 30 secondes, ça te prenait 3 heures. Ouais, puis même à ça, t'avais pas une offre. Exact, il n'y avait pas de RedTube et tout. Fait que tu sais, écoute, on faisait ce qu'on voulait. Mais, l'imagination. Mais moi, je mettais une histoire là-dedans. T'sais, à la place de juste dessiner des chicks à poêle. Mais sûrement que t'as mis des fights aussi, là, c'était pas juste... Il y avait des fights, il y avait tout le temps des fights, puis il y avait une grosse histoire de écoute, c'était... Ah, oh, man, je me rappelle plus trop, mais je me rappelle que il y avait du monde dans l'ombre là, à la tête de tout ça, puis tout le monde se faisait crosser au bout du compte. Là. Mm. Puis Glacius se faisait crisser une sérieuse volée par Orchid, oui. qui l'avait pogné entre ses jambes et la chaleur de ses cuisses faisait le fondre. Fait casser son cou, parce que ça le rendait plus faible. Tu sais, n'importe quoi. Là. Puis là, elle était toute mouillée entre les cuisses après, parce que la glace avait fondu là. C'est n'importe quoi, man. N'importe quoi, my God. Fait que ça, évidemment, je ne l'ai pas montré à grand monde. Je pense qu'il y a juste G qui l'a vu, ça. Okay. Et un moment donné, il me l'a emprunté, puis c'était super creepy. Est-ce qu'il te l'a redonné? C'est à partir de ce moment-là. Disparu. Lui, il m'a l'a redonné. Moi, je m'en rappelle plus. Là. Ça fait trop longtemps. Okay. On avait 14 ans, tu sais. Lui avait 14, moi j'avais 15, je pense. Ou même, ça se peut que j'avais 14. Eh boy, tu sais, c'est vraiment dans ces années-là. Okay. L'anatomie de mes filles, là, c'était n'importe quoi. Ouais. Man. Ouais. Il y avait on a d'ailleurs mis une photo sur le Facebook. C'était ouais. plus quelques ça, années plus tard. C'est mais ça. Fait qu'imagine, c'était avant, c'était encore pire. Ouais. Là. Ouais. Les filles avaient les boules collées sur les clavicules, des coups infiniment longs, des tailles plus petites que leur tête, puis tu sais, c'était n'importe quoi. Puis, fait que d'après moi, genre, t'as entendu parler de ça ou quelque chose où on a sûrement déjà jasé en joke, puis t'as fait comme, hey, on pourrait faire une BD de Tekken. Puis je me rappelle qu'on l'a comme considéré pendant une seconde. Là. Ouais, on commençait à travailler là-dessus. Puis on l'a pas fait. Mais je suis content parce qu'on avait une autre idée et tout. Puis ça, c'était mon idée, mais c'était de faire des versus de personnes de personnages qui sont pas dans le même univers. OK, des crossovers. Je t'avais dit, genre, imagine un fight contre Tetsuo puis un Eva, tu sais. Puis finalement, après cet exemple-là, on avait comme plus rien, puis c'était comme plate, puis on a fait comme... C'était pas vraiment bâtir autour. Fait que finalement, on a fait de quoi de bien plus hot, man. On a créé un univers et des personnages originaux. Ouais. Alors, l'univers, c'était plus médiéval. Ouais. Le titre, c'était Forgotten Tales, et c'était en fin 99, je pense, autour de ça. Eh boy, il n'est pas marqué là. Non, je ne l'ai pas nommé. Donne-moi l'autre sketchbook, parce que j'ai encore le sketchbook. Mon sketchbook, c'est octobre 99. OK. Fait que c'est ça, le temps qu'on le fasse, là. Fait que j'avais 17 ans. Ouais. Ouais, c'est vrai de ça, man. C'est vrai de ça. Mm. Est-ce que tu te souviens pourquoi on a... Est-ce que c'est moi qui t'avais suggéré le médiéval ou... Je pense que oui, man. Je pense que ça venait de toi, ça. OK, puis c'était pas... Sûrement qu'on trippait l'Oda Soir puis Berserk. Ouais, je pense que c'était dans le temps de Berserk. Puis moi, je me rappelle que je jouais beaucoup à Warhammer. Puis j'avais fait une BD qui s'appelait Soul of War. Ouais. C'est peut-être ça qui t'avait comme une piste ou je sais pas. J'ai aucune idée. Ouais. Je me rappelle pas de où ça vient, honnêtement. Okay. Mais ça promettait. C'était vraiment plus une structure quasiment RPG. Là. Oui, oui. Fait, raconte-nous l'histoire. Fait que ça, c'était... raconte-nous l'histoire de Forgotten Tales. L'histoire de Forgotten Tales, wow. Je pense une des erreurs que j'ai fait là-dedans, puis que j'ai sûrement répété... plus tard aussi, c'est de vouloir mettre trop d'éléments, trop de personnages, trop tout en même temps, puis pas donner de ligne directrice, puis ça respire plus. Puis on s'est embarqué dans une saga, là. On s'est embarqué dans une affaire qui se passe en... Ouais. Sur, c'est ça, avec 50 personnages, puis qui durent genre 20 ans. Là, ouais. Fait qu'en fait, le premier, c'est une vingtaine de pages. Toi, t'as fait d'autres pages par la suite. Ouais. Moi, j'ai une copie que je me suis fait imprimer pour moi. Là. C'était même pas de l'autopublication, ça n'a pas été distribué nulle part. Non. Mais c'était intéressant. Moi, je me rappelle, c'est là qu'on a commencé à la méthode à la japonaise, c'est-à-dire que moi, en tant que scénariste, je te faisais un script imagé. Ouais. En fait, je te faisais la BD comment j'envoyais en bas de ma lunette. Ouais. Donc, de te donner des pistes visuelles. Mm-hmm. Et puis, toi, tu le faisais en beau. Pis c'est ça qui est fucké, c'est qu'on ne savait même pas. C'est instinctif. C'est instinctif, puis dans le fond, on a découvert, c'est ça, que les Japonais font ça. Ils travaillent, tu sais, comme de même. Fait que c'est fucké, Red. Ouais, et puis moi, je me rappelle de voir le truc que j'avais dans ma tête, les bonhommes et le maître tout lait. Ouais. Puis après ça, que toi, tu montres une ou deux pages terminées, c'était waouh, là. C'était... Ouais. Ouais. vision était... Ben oui, c'est ça. Tu voyais tes bonhommes allumettes, puis là, finalement, ça devenait des vrais personnages. Ouais, tout. Ouais. Je viens de me rappeler, je l'avais mentionné dans l'épisode de Ninja Scroll, mais c'était l'époque où j'écoutais ce film-là en loop. Et on peut voir, on en postera une page ou deux là, sur Facebook, juste pour rire. Ouais. Là. Et quel film tu parles? Ninja Scroll. OK. J'écoutais Ninja Scroll en loop, ouais. Et... Ça paraît, check, il y a une scène là, qui s'est complètement inspirée de Tessai qui reçoit l'espèce ouais. de dagger dans l'œil, là. C'est mm-hmm. vraiment, ça vient de là. Même en termes de proportion, tu vois que j'essayais de faire un peu du Ninja Scroll, donc les personnages super élancés, mais en même temps, genre avec les épaules larges et tout. Ouais, ok, fait que t'avais des référents, là. Pis, man, on l'a fini, le deuxième numéro, là. Ah, ouais. Ben, ouais, man, je me rappelais pas qu'on l'avait fini. Oh. Fait qu'on a fait deux numéros de quoi, 17 pages, 19 pages, environ, oui. Et c'était... En rajoutant des personnages et en n'expliquant pas ce que les autres personnages avaient fait avant. C'est ça. Mais t'as même pas raconté l'histoire, c'est quoi ouais. l'histoire? Ben, dans le fond, c'est un guerrier qui se réveille, est amnésique, il sait plus trop où qui est ou pourquoi il se retrouve là. Puis finalement, il se fait amener à un village par une petite paysanne. Puis là, ensuite, il rencontre d'autres personnages. Puis rapidement, il se met à lier avec eux. Puis on voit ensuite qu'il se bat contre des méchants. Puis c'est ça. Là on ouvre. Et puis, c'était comme toutes les histoires de chaque personnage en même temps, entremêlées. C'est un peu tout croche. C'est n'importe quoi. Tu sais, il n'y a pas vraiment d'objectif. Il n'y a pas de quête. C'est juste que ouais. tout le monde vit de quoi. Puis il y avait beaucoup de références à nos amis. Ouais. Il y a un personnage qui s'appelle Phil, puis ouais. qui disait une expression que notre ami Phil disait. Ouais. Puis aussi, ce qui était très drôle, puis ça, je pense que ça a forgé notre amitié, man, c'est que je venais chez vous pendant que toi, tu faisais les sketchs de, mm-hmm. des trucs. Moi, je sketchais les designs de personnages, mais ouais. on faisait constamment des jokes avec ça. Fait que, tu sais, juste dans les sketchs, tantôt, tu le feuilletais, pis t'étais crampé, genre. C'est quoi, donc? Tu sais, genre, mettons, j'ai dessiné un personnage qui... ah, c'est-tu que c'est là? Pis, tu sais, il y avait un gars pis une fille, fait que là, j'ai fait, genre, un qui s'appelle Mulder, l'autre Scully. C'est super drôle, hein? Pis elle, après ça, elle dit, I want to believe, mais tu sais, c'est genre médiéval par rapport. Il y avait un peu n'importe quoi dans ce sketchbook. C'est ça. Il y a un personnage qui s'appelait Tori. Laurie. Ouais, c'est ça, exact. Puis je l'appelais. Laurie Amos. Il y a un personnage que genre je dessinais avec des tentacules qui sortaient de son cul, je sais pas ouais. trop. On se faisait du fun, puis ça paraissait juste d'un sketch que genre on déconnait sans cesse mm-hmm. ensemble. T'sais. Ouais. Tu sais, comme il y a une shot qu'il y a un loup qui a la tête coupée en deux. Ouais, c'est au début, ça, ouais. Puis je dis, this is what drugs do to your brain. Puis ouais. tu sais, faut se rappeler que je fumais du weed quasiment tous les jours dans ce temps. Ouais, ouais. En regardant les pages aussi, c'est clair que moi, j'avais moins de connaissances en BD, en comic book que toi. Ouais. Puis... À un moment donné, tu m'as dit, OK, non, on peut pas faire 22 cases par page. Même à ça, tu sais, on a des pages que c'est 16, 17, puis c'est chargé. Là. Oh oui, donc, c'est lequel qu'on a compté tantôt, ça avait comme pas rapport, c'était genre 19 cases. Oh oui. Ouais. Fait qu'on a beaucoup appris. Mais le pire, ouais. c'est ça, c'est que j'ai été surpris en recheckant ça, puis pour mm-hmm. vrai, là, pense à ça, man. Deux kids de 17 ans qui se font un projet de BD. Moi, je suis, pour vrai, là, c'est weird à dire, mais je suis fier de ça. Parce que tu vois que je me donnais, puis je mettais tout ce que j'avais, même. Ouais. Genre, je botchais pas, là, puis je... C'était pour nous, mais on était super passionnés, puis super contents, l'un l'autre, de voir ouais. le résultat qui se développait. Là. Pour moi, là, c'est l'équivalent de ça, là, c'est comme si il y avait une école de BD, là, puis mm-hmm. c'est comme si on avait fait notre cégep. OK. C'est vraiment ça. Le projet de session. On est, exact. On n'est pas rendu à l'université encore, mm-hmm. on n'est pas rendu top, mais... On vient de faire un cours, puis moi j'ai tellement appris là, de ça, là, c'est fou. Là. Hmm. Ouais. Fait que, puis Chris, je viens comme de réaliser qu'il n'y avait même pas de sketch en dessous. Hein? Ben, comme c'est ça, tu faisais au crayon de plomb. Je le faisais direct au plomb. Ouais. Ouais. Ouais. Calvaire. Encore comme aujourd'hui, c'est fou de voir comme il y a encore des trucs que je fais pareil aujourd'hui. fait que ça nous a mené où, là, donc? Ah, ben ouais, c'est ça. Je pense qu'après ça, il y a eu un petit temps d'arrêt. Toi, t'es allé à Montréal après. C'est ça, c'est que moi, je me suis fait engager en jeu vidéo ouais. à 19 ans. Puis là, j'ai commencé à dessiner, à me faire payer pour dessiner. Puis c'était super bizarre parce que moi, pour les gens qui me connaissent un peu, je suis pas nécessairement un technicien. Je suis pas un exécutant. Je suis plus comme quelqu'un qui aime le côté de la création. Mm-hmm. Après ça, c'est comme, faut juste que je le fasse. Concepteur. C'est ça. Après ça, faut juste que je le fasse, mais c'est pas ce bout-là qui me fait le plus tripper, bizarrement. Ouais. Fait que je trippe bien plus sur la phase de, c'est ça, création, storyboard, mise en scène, etc. Mm-hmm. Tu sais, dessiner 90 fenêtres d'un building, c'est pas mon trip. Puis en jeu vidéo, je me suis rendu compte que, de un, tu dessines comme une machine, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune création en jeu, c'est tu fais juste repeat. Fait que, mettons, faut que tu dessines un personnage qui a des spikes à la tête. Ben, t'en fais 100 pendant la semaine. Après ça, il y a un directeur artistique qui arrive et qui fait comme celle-là, celle-là, celle-là. Puis ta deuxième semaine de job, c'est de pogner les trois designs que t'as donnés puis d'en faire 100 autres d'amalgame. Ok, tout différent avec des variantes. Fait que c'est vraiment le processus de l'entonnoir. Exactement, ouais. Exactement. Fait que, tu sais, à la fin, on s'entend-tu que d'y mettre trois spikes à la tête bleue, 4 spikes rouges, mm-hmm. mais tu sais, la tête est pareille, puis tu sais, comme, c'est juste que. Puis en plus, tu le fais dans le style de quelqu'un d'autre. Puis vu que moi j'avais 19 ans, tu sais, mm-hmm. j'étais vraiment en. Comment tu dis ça? J'étais en train d'apprendre qui j'étais, puis de raffiner mon style, sauf que là, ça me fuckait un peu. Fait que j'ai voulu faire de la BD on the side pour moi. Mm-hmm. Puis, je me suis rendu compte que je dessinais plus pour moi, je dessinais juste pour cette compagnie-là qui. Était, bon, c'est sûr, j'étais payé, puis je me suis fait des amis là-bas, puis tout, ouais. Mais créativement, j'étais vraiment pas. C'est ça, puis si on va un peu plus loin, à un moment donné, t'as comme eu une baisse d'intérêt, que t'étais un peu épuisé professionnellement, fait que de faire des petits coquillages, t'avais plus le goût, l'énergie de faire quelque chose de plus stimulant créativement. Exact. La BD en arrivant avec toi. Ça, c'est drôle, tu dis coquillage, parce que moi, l'exemple qui me vient tout le temps, c'est parce que c'est arrivé pendant le 11 septembre. La journée du 11 septembre ouais. 2001. Puis il fallait que je designe des maisons en forme d'artichaut. Puis c'était ça, ma job. Fait que là, c'était de mettre le toit jaune avec des pois bleus, mettre le toit bleu avec des pois jaunes, mettre le toit un petit peu plus long, un petit peu plus court. Puis c'est ça ta semaine de job. Mm-hmm. Ça a l'air niaiseux parce que je me plains. Puis tu sais, je veux dire. C'est pas une job de merde, pas en tout. Là. Mm. C'est un privilège de se faire payer pour dessiner. Mm. C'est juste que moi, ça. C'était pas ça que je voulais faire. Ouais. Mais j'imagine, avec le recul, ça a été formateur, ça. C'est là que j'ai appris Photoshop. Ouais. Puis, tu sais, Photoshop, c'est. Toutes mes BD professionnelles ont été faites uniquement avec ça. Ouais. Puis, c'est là que j'ai appris aussi. Comment tu sais dessiner de plusieurs styles différents, mm-hmm. comment travailler avec des clients, parce que mon directeur artistique, c'était un peu comme un client, tu sais, faut que tu remplisses ta fonction. Des clients internes. C'est ça, ouais. Ouais. Fait que, non, c'est ça a été mon école, ça a été mon université. Ouais. Alors, tu sais. Ok. Parce qu'après ça, quand je suis parti de là, j'étais travailleur autonome, puis je le suis encore, tu sais. Ouais. Fait que, ouais. Mais bref, tout ça pour dire que pendant que je faisais de la BD, mm-hmm. pendant que je travaillais en jeu vidéo, je voulais faire de la BD pour moi. Puis j'avais été approché, je ne me rappelle plus pourquoi, mais par un fanzine qui s'appelait Nul s'est découvert. Oui. Puis on a fait une de mes BD préférées encore à ce jour, man. Oh oui. Qui est Le Mal. OK. Puis c'est fucké parce que je voulais tellement me distancer de. Ça se dit-tu, ça? Ça se distancer? Ouais. Ben oui. Je voulais tellement me distancer de ce que je faisais à la compagnie de jeu. Oui. Que j'ai été vraiment ailleurs. Un autre extrême. Ouais, fait qu'il y a presque pas de dessin, c'est surtout du photomontage. Ouais, t'as un peu comme triché entre guillemets. Là, mais... Ben, en même temps, c'était voulu, c'était ça que je voulais faire. T'sais. Ouais. Puis, c'était à l'époque que je venais de découvrir Ashley Wood, puis lui, il faisait beaucoup ça aussi, dans Spawn. Mm. Fait que je voulais vraiment, genre, aller ailleurs, puis même faire un autre trip complètement. Okay. Puis, je trouve que ça a bien vieilli à cause de ça. Okay. Parce qu'il y a pas d'erreurs vraiment techniques dans le dessin. Ouais. En fait, tu avais beaucoup de photos, puis tu as fait des dessins pour compléter ton. Exact. Ton narratif, je dessinais par-dessus des photos, genre. Ouais, mais tu as fait aussi des dessins originaux, me semble, que le détective qui se prend la tête, là. Il y en a genre deux, trois. Ouais, ouais. Puis ça, rappelle-moi, Nulle Découverte, c'est un collectif montréalais, fait que plusieurs artistes de bande dessinée, puis d'art visuel. Okay, je vais essayer de le trouver. Ouais, bon, en fait, moi, j'ai amené l'autre numéro. C'était ta première collaboration au magazine? Ouais, oui. Le mal. Parce que t'as quand même collaboré à d'autres numéros. Là. Ouais, puis même j'ai été directeur, éditeur de ce fanzine-là pendant juste un numéro. OK. Puis vu que j'avais pas assez de contrôle à mon goût, j'ai écrit ça. Okay. check bien ça, man. Check ça. Si je l'ai drette ça. Ok, eh hey my god, non man, tiens que c'est hot, c'est rebelle, c'est punk. Ça détonnait beaucoup du reste du contenu de ce numéro, sauf que ça, contrairement à d'autres projets qu'on a fait ensemble, ça tu m'es arrivé un peu à la fin, c'est-à-dire que tu avais tout ton visuel, est-ce que tu avais déjà écrit un texte et tu n'étais pas satisfait, c'est ça? Je me rappelle pas, je pense que je voulais en écrire un, puis je l'ai pas écrit, puis finalement je t'ai fait comme, t'es-tu capable d'écrire de quoi par-dessus? C'est ça, parce que tu m'avais pas approché au début de ton processus pour ce projet. Ouais. Fait que c'est à la fin, moi j'avais ton visuel, puis j'ai sorti mon talent de faux poète. Ouais. Non, c'est pas faux poète, au contraire, man. Moi, je lis des bouts, puis j'ai des frissons. Okay. Moi, je trouve ça incroyable, puis... Ouais. Ça aussi, je sais pas si on va poster une page de ça parce que, en tout cas, j'ai plus les originaux sur mon ordi. Mm-hmm. Mais le visuel de cette BD-là est quand même assez troublant. Là. On voit des enfants qui ont des yeux cousus. On voit des femmes mutilées qui se sont faites couper les boules, qui sont pendues. Des animaux. J'étais écœuré de faire des crises de maison en forme. Ouais. Et ça crie ça, là. Ça crie genre le désespoir. Là. Ouais. Ça crie la rage, puis la frustration, puis la noirceur. Ouais. Ça démontre aussi que les gens qui étaient à la tête de ça, il n'y avait pas vraiment de censure, il n'y avait pas de barème qui allait stopper ton idée créative. Là. Ouais. Puis aussi, hey man, tu sais, je viens de relire un bout là. Ça, c'est en 2003, man. Ouais. Fait que c'est l'année. J'allais quitter là, 2M. Là. Ouais. Puis bizarrement, ben moi, c'est ça. Moi, j'étais encore à Lévis, puis j'ai commencé l'université en 2003. Ouais. Check ça, man. Parce que c'est l'histoire, en fait, c'est très très abstrait comme histoire. C'est une histoire, c'est comme si c'était le mal. Personnifié ouais. Et qui nous parle à nous. Puis la BD commence dans le regard d'un chat qui est en train de marcher. Encore un chat? Hein? Quoi? Encore un chat? Ah, ben ouais. Qui est en train de se promener d'une ruelle, puis qui va sur le bord d'une fenêtre, puis qui voit qu'il y a une femme pendue. Et ça finit, évidemment, là, on se promène dans tout le mal. Là, à un moment donné, il y a une espèce d'œil, on dirait un démon. Et ça revient dans l'œil du chat qui regarde la femme pendue. Et dans cette page-là, man, t'as écrit quelque chose de tellement beau, man. Ça dit « La cloche retentit... Hey, » il faudrait que je le fasse avec ma voix démoniaque, man. Il n'y a pas l'effet. Attention. « La cloche retentit, réveille ce qu'elle nomme, encore, toujours, et je hais tous les hommes. » Ah, si, moi je trouve ça. Fait que. Merci. Fait que je trouve que, man, ça. Bizarrement, ça a bien vieilli. Ouais. Le contenu de tout ça, man, c'était pas cool. C'est varié. Mais, man, il y a des noms qui font encore de la BD aujourd'hui ouais, là-dedans. Ouais. Et lui qui est à la tête de ça, c'est Mathieu Forget, que maintenant il fait. Dans ta bulle? Non, BD Film en Vôtre. BD Film en Vôtre, exactement. Ouais, ouais. Puis on s'est d'ailleurs croisés dernièrement au lancement de Planche. Ok. Fait que c'est fou de penser que, tu sais, c'est 11 ans plus tard, quasiment 12. On est encore dans la même crowd, là. On est encore là, on se croise encore, tu sais. Ouais. Mais tu vois, pour ça, moi, je me rappelle, j'ai juste fait ça une soirée. J'ai comme imprimé tes pages. Puis j'avais un dictionnaire, puis de la bière, puis j'ai juste fait ça une soirée, puis j'étais bien dedans. Hein. C'est hot, hein. Ouais. C'est Chris Marot. Mais ça, c'était la première fois qu'on travaillait de même. Fait que, tu sais, au lieu que ça soit toi qui me soumette un scénario, que tu fasses des sketchs, puis moi je dessine, ben là, c'est moi, j'avais tout fini. C'est la Marvel Way, en fait. C'est ça qui est bizarre. C'est que j'ai fait une BD finale, que je t'ai pitché, que t'as écrit par-dessus. Après ça, on a essayé de faire de quoi de complètement différent. Oui, ça, c'était peut-être pas le numéro qui venait tout de suite à la suite, mais c'est un numéro qu'on a fait plus tard pour toujours Nul s'est découvert, que tu as fait l'illustration couverture. Ouais. Fait que celui-là, c'était en 2004. Et ça, je me rappelle parce que bon, j'ai fait des ateliers récemment, puis j'ai expliqué mon processus. Tu avais fait beaucoup d'images, quasiment comme des splashs, des grosses images. Ouais. Puis moi, je t'ai suggéré, fais-en en plein, fais-en des variés, puis moi, je vais t'imaginer une histoire autour de ça. Ouais. C'est ce qu'on a fait. Puis ensuite, par la suite... Moi, j'ai complété. Fais d'autres images, des cases, tout ça. Fait que je t'avais donné comme 10 images qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Là. Ouais. Ouais. Fait que c'est intéressant. Encore là, un peu comme Le Man, c'est comme très éthéré, ambiant. Ouais. Puis encore une fois, une histoire de personnes qui se réveillent sans trop savoir où il est ou pourquoi. Là. Ouais, mais je pense qu'on avait besoin de faire ça parce qu'on venait de faire de quoi de tellement linéaire avec Forgotten Tales. Ouais, mais puis, ça, il y a quand même 5 ans. Là. Ouais, ouais, mais je veux dire, on avait comme besoin d'un peu casser d'explorer. La cage, là, exactement, tu sais. Avant de se camper puis de savoir qui on est, on avait comme besoin d'aller voir ailleurs. Fait qu'on a essayé des affaires, mais tu sais, c'est très expérimental, là, comme type de BD. Oui, parce que ça, c'est, pour les comparaisons un peu à du rapiessage ou du collage même. Tu sais, si on pense au mal qui était plus du photomontage, ça, c'est vraiment plus comme du montage de dessins. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement des cases une à côté de l'autre, mais c'est comme des dessins montés un dans l'autre avec du texte par-dessus. Ça, j'étais travailleur autonome. On voit que j'ai plus de confiance un peu dans Photoshop. Puis j'ai plus le sens du graphisme aussi. les bordures de cases et le texte fit plus que dans l'autre. Oui. Ouais, ben c'est ça. Dans les ateliers, justement, l'intervenant, il me disait qu'il faisait remarquer aux élèves que lui, il trouvait très bien ton idée de bordure de cases qui n'était pas justement à la fin que le dessin débordait. Ouais. Des gouttières. Puis c'est ça qui est hot, man. C'est que, tu sais, à cet âge-là, il y a une espèce de désir de rébellion, de pas vouloir faire les choses d'une manière conventionnelle. C'est dans ces moments-là que tu trouves ton identité puis que tu explores le plus, tu sais. Puis je trouve ça important. Puis tu sais, comme, ce qui est hot de nous deux, c'est que on finissait nos projets. C'est ce qui est souvent traite et très, très difficile pour tout médium artistique. Mais nous autres, on va plus parler d'écriture de la BD. Ouais. Mais de se lancer dans un projet puis de pas le mettre à terme, pas de le terminer. C'est dur, c'est très, très dur à écrire, mais ça vaut tellement plus la peine de le terminer puis de dire « OK, ça, c'était pas bon, on passe à d'autres choses, mais au moins, j'ai terminé. » C'est comme ça qu'on évolue puis qu'on apprend. Ouais. Parce que si tu le finis jamais, ça reste dans ta tête puis tu peux pas clore ce chapitre-là pour passer à d'autres choses puis pour apprendre de ça. Tu as tout le temps l'impression que c'est un « work in progress ». Puis nous autres, non seulement on finissait nos projets, mais on les publiait. Fait que même si c'était dans un fanzine de merde, ben juste de pouvoir le tenir dans nos mains... Ouais. On même ce qu'on fait maintenant en rétrospective aussi. C'est ça, Mais c'est là que le sentiment de l'accomplissement y arrive, puis c'est là que ça te motive à en faire d'autres. Après Nul s'est découvert, ça c'est Nul s'est découvert, on le rappelle, c'est l'espèce de fanzine. Ouais, et c'est ça juste pour dire, moi j'étais à l'université en études anglaises, fait que j'étais vraiment dans le bain de stimulation en littérature, en création littéraire. Fait que c'était parfait pour ça. Là. Ouais. Ouais. Fait que tout de suite après, qu'est-ce qui nous est arrivé? Là? Ben après ça, c'est ça, on l'a mentionné tantôt. Toi, t'as fait une histoire dans le deuxième numéro du collectif Le Front, publié par Front. J'ai fait le premier aussi. Oui, bien sûr. OK. Puis t'as fait le troisième, qu'on a fait ensemble. C'est vrai, dans le troisième. Ouais. Le Front qui. Front Froid qui prépare leur 8e numéro qui va paraître au printemps. Tu sais quelle année? Oui, je vais dire ça tout de suite. Je pense que c'est 2007, genre. 2010. Shit! Attends, Alice, ça fait 4 ans? Ouais. Ouais, mais ça, c'est plus long. Ben, dans le fond. Publication, c'est ça, fait qu'on l'avait fini à l'automne 2009 pour l'an 2000. Puis là, on est à la fin 2000, fait que ça fait 6 ans, plus que 4. Ouais. Ça a plus de sens. Ça a plus de sens parce que ça fait 4 ans que je suis à Montréal. Oui. OK. Mais ça, c'est hot parce que, man, le front rendu au troisième numéro, front froid, il y avait déjà, on le sentait déjà qu'il y avait quelque chose. Oui. Que ça allait pas s'en aller. Et qu'il y avait une espèce de buzz autour de ça. Ça vendait bien, les gens en parlaient. Mm-hmm. Il y avait une réputation qui était en train de se former. Les artistes qui étaient publiés là-dedans sont devenus des chums. C'est devenu une gang. Ouais. C'est encore nos ennemis aujourd'hui. Ouais. Juste pour peut-être les gens qui ne connaîtraient pas, Front Froid, c'est un organisme qui fait la promotion de la bande dessinée québécoise et de sa relève. Plus spécialisé dans la BD de genre. Et l'idée avec le collectif Le Front, c'est de mettre de l'avant les nouveaux talents. De faire une première publication professionnelle. Et puis, c'est ça, tu avais commencé avec le front 1 et 2 des artistes. Toi, tu as fait les trois premiers numéros. Ben, l'idée, c'était d'élargir le bassin. Ouais. Et puis, c'est ce qu'on a fait au cours des années. Ouais. Enfin, c'est ça, c'était une super belle rencontre. Ça, en passant, ce que vous venez d'entendre, là, c'est le speech que Doom fait dans tous les Comic-Con, puis les festivals, puis à l'Exposine et tout. Wow. C'est tu l'as très bien raffiné ton speech. D'accord, merci. Il est concis, il est précis, et la livraison est bonne. Mais ce que j'allais dire, c'est moi, il y a quelque chose qui m'a énormément touché de ça, c'est que rendu au front 3, Gauthier Langevin a commencé à faire des entrevues. Autant radio que dans des sites web, que, etc., pour parler de ça. Et il avait dit de notre BD là-dedans, que non seulement c'était son coup de cœur, mais qu'il trouvait que c'était une marque dans notre évolution en tant que team artistique. Ouais. Et moi, je suis 100% d'accord, parce que c'est vrai qu'après ça, tu vois qu'on a touché un autre niveau. Là, on est genre semi-pro. Là, on est vraiment genre proche de quelque chose de professionnel. Oui, parce que si on remonte jusqu'avant, ce qu'on vient de parler, c'était essentiellement pour nous, dans des fanzines, dans des collectifs, puis reste que ça aussi. Mais c'est ça, c'était le petit step de plus, là, je pense. Oui. Ouais. Autant dans l'écriture que le ton, que le dessin. Oui. Et puis là, c'est vraiment un projet qu'on a fait à deux. Que moi, j'ai écrit un script. Personnellement, je te dirais, encore aujourd'hui, ça me prend quand même du temps. Je le mûris beaucoup dans ma tête avant d'avoir le squelette. Ensuite, je le mets sur papier. C'est certain qu'il y a des petits trous. Moi, je te présente ça, puis ensuite, ben, on comble les petits trous, puis on y va. On remplit les petits trous. Puis ça, ce qui est hot, même, de Alice, si quelqu'un est un peu tombé sur le front numéro 3, ça se passe dans mon quartier où j'habitais, dans le Vieux-Lévis. Et ça, ah c'est ouais, comme t'as si. Dit ça. Pour vrai, t'as jamais vu ça? Non. Man, check, ça, là, c'est comme sur le toit de ma maison. Ouais. Puis ça, c'est la rue. OK. Le parc est drette là, puis toi, t'habites au bout de la rue. OK. Parce que Dôme et moi, faut le dire aussi, on habitait dans le même quartier à Lévis. On habitait à 10 minutes de marche l'un de l'autre. Oui. Encore là, pour celle-là, ça raconte une histoire de. C'est un personnage qui a perdu sa meilleure amie. Ouais. Par un meurtre qui est quand même assez nébuleux, on ne sait pas vraiment. J'ai quand même pris des risques au niveau scénaristique parce que l'histoire est racontée à l'inverse au niveau chronologique. Ouais. Fait qu'on part de la fin pour remonter. On part de l'hiver pour remonter au printemps. Ouais. Il y a Zvian, il y a un caméo spécial de Zvian. Ouais. Zvian, et de Fat Mike. Fat Mike aussi, oui. Ouais, c'est amusant des fois à cacher des petites choses. Tout le temps, il y a tout le temps des trucs cachés dans les Fait que c'est ça, c'est une des choses négatives peut-être que je dirais, c'est que c'est ça, c'est que j'ai peut-être répété, c'est de vouloir trop en mettre en peu de pages, puis que ça respire pas assez. Fait que ça, je dirais, c'est limite, là. Je suis satisfait, mais quand même. Ouais, c'est le gros problème, c'est que tu fais lire ça à quelqu'un, puis oui, tu ressens l'ambiance, tu ressens l'émotion des personnages, mais tu comprends fuck all à l'histoire, parce qu'il y a trop en peu de pages. C'est ça. Puis en plus, avec la structure qui racontait à l'envers, ça marche pas. Deux petits détails de même, la fille, elle a un tatou qui fait tout le bras. Oui. Puis c'est Goldorak. Et, la bière que le gars boit s'appelle Screw Attack. C'est la Screw Attack. Et c'est l'attaque dans Metroid et aussi un site de jeux vidéo. Voilà. Fait que ça, tu vois que là, on est rendu déjà ailleurs. Et moi, c'était à l'époque aussi où j'étais extrêmement actif sur les forums de dessin sur net. Oui. Je postais entre 10 et 20 dessins par semaine. Okay. Fait que c'était plus qu'un par jour. C'est comme ça que j'ai commencé à me trouver des contrats puis de la pub et tout. Puis les forums, c'était intéressant parce qu'il y avait aussi beaucoup d'éditeurs qui allaient chercher de nouveaux talents là-dessus. Mm-hmm. Fait que je me suis fait approcher par un certain DJ Kirk Bride. Oui. On est-tu rendu là déjà? Ben oui. Oh, oui. Qui est maintenant un auteur publié chez Image Comics, mais qui était le co-éditeur de The Eisner Award winning Pop Gun. Eisner et Harvey, les deux. Les deux? Ouais. Ce qui est c'est une grosse anthologie de 400 pages. 400 pages. Ouais. Avec des auteurs les plus variés possibles. Ils appellent ça un mixtape de BD. Mm-hmm. Puis ça a gagné un paquet de prix parce que la qualité est superbe. Oui. Puis c'est justement le co-éditeur de ça qui m'a vu sur un forum. Il a fait « Hey, on tripe vraiment ici sur qu'est-ce que tu fais, ça tente-tu de nous faire une courte histoire? Mm. » À cette époque-là, là j'ai l'air d'un gros pothead, là. Mais là aussi je fumais du weed à tous les jours, mais pourtant j'ai arrêté comme 50 les deux. Oui. Et je me rappelle que j'étais super stimulé par l'offre. J'étais comme « Wow, man, Image Comics veut me publier une short story dans une grosse anthologie, c'est drôle, mais malade. » Est-ce que tu connaissais Pop Gun avant qu'il t'en parle? Je n'avais entendu parler, mais je n'avais jamais lu. Parce que les deux premiers numéros étaient sortis à ce moment-là, c'est ça. J'avais vu le cover du 2, je pense, à cause c'est Paul Pope qui l'a fait. Et je n'avais entendu parler, mais j'ai jamais mis les mains dessus. Ouais. Et j'ai fait ce que je fais encore aujourd'hui, c'est-à-dire une BD en une soirée. C'était une BD de... Ah oui, Heard, t'as fait ça. Ouais. Pas fini. Pas le fini. OK. Mais quand même, le dessin complet. Ton rough, là. Puis une case à la fois. Okay. Fait que je savais pas trop où m'en aller, mais tu sais, je me suis dit... Parce que c'est souvent ça, tu sais, ce qu'on oublie, c'est que... En écriture, ton premier draft, c'est pas ton dernier. Mais faut que tu finisses le premier draft pour faire le dernier. Oui. Fait que moi, je me suis dit comme j'y vais. OK. Go, très spontané. Exact. Mm. Puis après ça, je retravaille. Puis j'ai pas eu besoin de retravailler grand-chose. Je pense qu'il y a peut-être 2-3 trucs que j'ai refait. OK. Mais la structure, je la trouvais bonne. Le punch narratif, je le trouvais bon. Mm-hmm. En fait, c'est que t'entends une narration hors-champ tout le long. Ouais. Conçu un personnage et t'es convaincu que c'est le personnage qu'on voit. Mm-hmm. Puis le petit twist, c'est que finalement, à la fin, tu te rends compte c'est que c'est un autre personnage qui parle de ce personnage-là tout le long. Oui. Fait que l'idée, tu l'avais déjà. Ouais. Tu avais écrit un texte, mais encore là, tu n'étais pas satisfait. Fait que c'est un peu comme pour le premier Nul C'est Couvert que tu m'as approché pour me demander une révision au script. Là. Fait que j'avais fait le texte, mais c'était trop facile. Moi, je suis vraiment pas doué pour les mots. Je suis pas bon avec les mots, man. Je suis capable de bien raconter une histoire, je suis capable de bien la voir dans ma tête, mm-hmm. je suis capable de bien la découper, puis même te raconter un film, je suis capable, mm-hmm. mettre de l'émotion dans un personnage, mais les hosties de dialogue, les fucking mots, man, les mots, je l'ai pas, je l'ai crissement pas, je l'ai jamais eu, puis je l'aurai jamais, puis ça me dérange pas. En tout cas, man, c'est ça mon talon d'Achille. Fuck it, man, je me suis entouré de plein de monde brillant qui peuvent faire ça à ma place. Dont toi. Mais c'est ça, c'est quand ça a l'air facile, naturel, c'est ça, c'est là que c'est là que la personne-là... Exact, tu sais, moi, ce qui m'a fasciné, puis j'étais sur le cul quand j'ai lu « Hiver nucléaire » de Cab, dernièrement, comment qu'il était doué pour les dialogues, man, ça a l'air facile, puis tu sais, en lisant, j'étais comme, moi aussi, je suis capable, puis tu sais, à la fin de la BD, j'ai fait, ben non, man, c'est ça, c'est parce que c'est fucking maîtrisé, puis elle est fucking brillante que ça a l'air facile, parce que sinon, c'est pas facile, man, de faire sonner un dialogue, puis que ça ait l'air naturel, puis qu'en même temps, ça fasse avancer l'histoire, avancer le personnage. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est tout pour Error. Ben ouais, ça c'était le volume 3. Ah, attends, dernière affaire, c'est ça. Oui, vas-y. C'est que c'était dans le volume 3, puis je me rappelle qu'à l'époque, j'étais avec Véro, puis Véro, c'était vraiment ma conseillère artistique. Oui, elle était plus près de la peinture traditionnelle, mais elle avait un bon... un bon bagage artistique aussi. Ouais, un bon regard critique, puis était pas de bullshit. Fait qu'avec moi, était comme, hey, ton pied est là, t'as refait-le. Ouais. Puis j'y montrais tout, absolument tout ce que je faisais avant de l'envoyer. Okay. C'était vraiment comme ma conseillère, là. C'était mon. Puis elle avait vu la BD, elle avait trippé, elle faisait comme, ok, ça c'est des bonnes idées, puis tout. Puis j'ai fait, ah, j'ai demandé à Doom qu'il m'écrive un texte, puis je me rappelle que quand tu m'as envoyé le texte, oui. J'ai été voir Véro, puis elle a fait pile texte à Doom, puis j'ai fait, man, si il est imprévisible, genre, j'aurais jamais pensé ça. Il a écrit un mot par case. Puis elle est devenue les yeux grands, puis elle a fait comme, c'est-tu hot? Puis j'ai fait comme, c'est hot en tabarnak. Fait que, tu sais, moi, j'avais écrit vraiment comme une genre de narration intérieure, mais c'est une machine qui parle. Mm-hmm. Fait que toi, c'était vraiment juste comme un mot par case. Ouais. En fait, il y a eu des cases qui ont eu trois mots, mais l'effet, là. L'effet, c'est ça, tu sais. C'était pas comme une réflexion intérieure, comme c'était juste comme une machine. Un télégramme, là, Exactement, comme une machine qui est en train de loader ou de, tu sais. Puis j'étais crissement satisfait de ça. J'étais comme, man, c'est parfait, c'était brillant. Puis c'était tellement... Tu sais, je m'attendais tellement pas à ça de toi. Parce qu'il faut le dire, des fois, tu es très verbeux à l'écriture. Des fois, t'en mets beaucoup. Ouais, dépendamment des projets, là. Ouais, dépendamment des projets. Mais c'est ça qui est hot, c'est qu'à l'époque, je pensais que c'était ça ton shtick, tu sais. Finalement, pas partout. Fait qu'on a publié ça. Puis on a eu une crise de bonne réception, autant de la part des critiques que des éditeurs, de mon éditeur, de notre éditeur. Là, tu parles du collectif en tant que tout, et non juste ton histoire. Écoute, les deux. OK. Parce que ça a super gros pogné, l'anthologie complète. Ouais. Mais dans les critiques, ils parlaient souvent de notre histoire. OK. Pour vrai. Et moi, je suis allé au Comic-Con cette année-là. Oui. Et j'ai rencontré, justement, on a parlé dans un épisode précédent de Barnaby Ward, qui a fait 15 Miles to Merrick. C'est là que j'ai rencontré. Et tout le monde me parlait de cette histoire-là, qui avait trippé, comment que ça se démarquait. Celle-là, puis celle juste avant du coq. Ouais, ça c'était... Je pense que ces deux histoires-là, tu sais, des fois, c'est juste comme l'emplacement, une après l'autre. Peut-être que celle-là juste avant est tellement... À l'antithèse de nous autres, là, de ce qu'on a fait. Oui, mais tout le monde va se rappeler de celle-là, fait que celle-là, tout de suite après, ça va marquer. Ça démarque tellement que tu t'en rappelles plus, je sais pas. Ouais. Mais, puis les éditeurs capotaient, puis ont fait comme c'est sûr qu'on te veut pour l'autre numéro d'après. Okay. Puis là, l'autre numéro d'après, j'ai fait comme à la place de faire une BD tout seul. Ben là, écrit, parce que je voulais quand même qu'on le fasse ensemble. Oui, fait que là, on a commencé à zéro. Ouais. Tu parlais tantôt que t'étais pas très bon pour écrire, pour les dialogues. Une chose que j'ai déjà dite, c'est que le travail de scénariste ne se limite pas qu'au texte, qu'au dialogue, qu'on peut très bien raconter une histoire à travers les images, qu'on peut très bien donner un script sans dialogue, que des pistes visuelles très précises. Ouais. Puis c'est ce qu'on a fait avec Untangled, l'histoire qu'on a fait pour le volume 4 de Pop Gun. Mm-hmm. Qui est le dernier volume d'ailleurs, je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres ensuite. On n'a jamais voulu faire le 5. On n'a jamais voulu ou pu? Ouais, okay. On ne le saura jamais. Ouais, okay. Bon. Il ne s'est jamais fait. Ouais. fait que c'est ça, c'est un 16 pages. C'est encore une fois un personnage qui est beaucoup dans sa tête, l'univers très introspectif. Ouais. Puis, dans le fond, ça rencontre un peu... C'est presque complètement muet. Ouais, il y a juste un petit peu de texte à la fin. Ouais. En fait, le personnage, on peut comprendre qu'elle essaye de dealer avec une fausse couche ou qu'elle a perdu sa grossesse. Ouais. Puis qu'elle est comme prise dans ce cycle sans fin. Ouais. De toujours revivre la même journée. C'est spécial comme thème que t'as abordé ça. Ouais. C'est pas comme si ta blonde venait de faire une fausse couche. Hein. Non. C'était très loin de toi. Là. Ouais. Sais-tu pourquoi tu voulais faire ça? Ouais, je te dirais, la plupart du temps, quand moi j'écris, je vais toujours vraiment prioriser les personnages, de bâtir autour d'eux, puis ensuite mettre de l'action, de l'environnement. Personnellement, si t'as le meilleur scénario du monde, mais t'as des personnages en carton de de soap américain ou de Virginie, moi, ça marche pas. Là. S'ils sont, si tu les sens pas, s'ils peuvent pas te toucher, je crois que ça s'effondre. Fait que mon idée originale de base, c'était... C'est exactement comme les pénis. Si tu les sens pas, tu peux pas les toucher. Puis c'est pour ça que toi, t'écris pas. OK, OK. Wow. Ouais. Tu disais... tu disais que les personnages, s'ils étaient deux-dimensionnels, tu pouvais pas t'attacher à l'histoire puis embarquer dans le récit. Fait que, ce que je me rappelle pour cette histoire-là, le point de départ, c'est qu'on... Je pense que c'était un souper de famille, puis on parlait de droit ou de garde d'enfants ou d'âge à laquelle c'était... En tout cas, ça avait un lien avec la grossesse. Puis je sais pas pourquoi, moi je parlais pas, j'écoutais. Comme sûrement vous voyez dans la cave, c'est plus toi qui parles, moi j'ai la personne qui écoute, mais c'est quand même comme ça. Ben, ouais. Mais en fait, la première image que j'ai eue, c'était une personne qui essayait de combler le vide en se mettant un oreiller sous le chandail pour faire croire qu'elle a un bébé. Fait que juste bâtir autour de cette image-là, puis juste bâtir un univers qui est très dans la tête du personnage. Ça c'était fucké aussi. Puis ça, c'est le truc... écoute, j'ai fait printer ce cover-là dans des expos. Oui, oui. Pour les gens qui ont déjà peut-être vu, c'est une espèce de grosse montagne en face d'une autre grosse montagne où il y a un arbre géant qui pousse sur la montagne. Oui. Puis c'était une image qui fesse. Puis ça, c'était ton idée, ça. Mm-hmm. Ça venait de toi. Oui. Puis il y a comme un enfant qui est comme en bandage. Oui. Parce qu'en fait, ça, c'est le monde un peu surréel. Fait qu'on on va entre ce monde-là imaginé et puis le monde plus terne de la fille. Ouais. Il y a vraiment des bonnes idées là-dedans. Ouais. Puis ça, je trouve, ça, c'est des publications couleurs, mais ça, je trouve que t'as vraiment une force pour les textures. C'est super riche de ce niveau-là. Ça l'ajoute énormément. Fait que, good job pour ça. Ouais, puis c'est à l'époque aussi que, j'avais jamais publié de BD complète à moi seul. Fait qu'il y avait un désir de vouloir épater la galerie un peu, là. Oui. Fait que, tu sais, tu vois que dans chaque case, il y a un travail de couleur. Mm-hmm. Ben, c'est un peu ça aussi, Top Gun. C'est super cool d'avoir participé à ça, puis on raconte des histoires, mais avec le nombre de... avec la distribution que ça a là, la notoriété, c'est certain qu'il y a plein des millions de gens qui ont vu ça. Là. Ouais. Fin de la première partie de la cave épisode 10. Merci de nous écouter.